Fabrice Luchini, rebonsoir ou rebonne nuit ? Eh bien, rebonne nuit, Philippe Garbi. Puisque c'est votre nuit rêvée, celle qui depuis minuit vous raconte Fabrice Luchini, puisque en fait vous vous reconnaissez dans Claude Darget, dans le souvenir de Claude Darget, que l'on a pu entendre dans un reportage sur le marché aux chats et aux chiens, c'était à Paris en 1949. Vous vous reconnaissez aussi dans Louis Jouvet et dans sa conférence donnée à Boston début 1951. Vous vous reconnaissez également dans l'entretien que Bernard Privat avait accordé à Jean-Jacques Vierne en 1982 pour son roman L'Itinéraire, et puis à l'instant dans cette conférence. Une conférence historique, en tout cas elle avait été donnée par Antonin Artaud en 1947, et là interprétée donc par Philippe Clévenot, dont vous nous avez dit tout à l'heure tout le bien que vous pensiez, puisque vous nous avez dit que c'était un des plus grands comédiens. Oui, je pense. Bon, alors donc, la deuxième partie de votre nuit rêvée, on l'a signalé tout à l'heure, en début de nuit, mais puisque les auditeurs, après tout, arrivent peut-être comme ça, tous les quarts d'heure, des auditeurs nouveaux, ce qui n'arrive pas au théâtre, et heureusement. Vous aimeriez que les spectateurs arrivent toutes les 10 minutes ? Non, mais ils n'arrivent pas, moi. Bon, ben, évidemment, les portes sont fermées, j'imagine. Oui. Mais nous, les gens ont le droit d'écouter, de brancher soudain à minuit 5, à minuit 20, à minuit et demi. Donc là, il faut leur dire ce que sera la deuxième partie de votre nuit. Elle sera très Fabrice Luchini, puisqu'on va entendre dans un instant, dans une demi-heure après notre entretien, un agora, un entretien de Philippe Muret avec François Angelier, qu'il avait donné à l'occasion de la parution de Après l'Histoire, c'était en 1999. Puis on entendra Céline, que vous jouez actuellement au Théâtre Antoine, puisque vous avez repris Le premier spectacle, le Voyage au bout de la nuit, l'installation en banlieue. Qui date d'une trentaine d'années. Ah, je l'ai créé en 85 chez Renaud Barreau, voilà. Au Théâtre du Rond-Point Champs-Élysées. Je pensais tout à l'heure en début de nuit à Jean-Louis Barrault, parce que c'est lui qui avait fait le discours pour les funérailles de Louis Jouvet, place Saint-Sulpice. Absolument. Là aussi, on l'a passé dans les nuits, parce qu'on aime bien les archives, c'est un petit peu notre principe, donc ça tombe bien. Et puis, nous, on entendra aussi à une grande conférence de Henri Guillemin, qui savait raconter absolument tout le 19e siècle, et puis d'autres écrivains du 19e siècle. Mais là, c'était une conférence à l'occasion du centenaire de Madame Bovary. C'était donc sur Flaubert, et ça date de 1957. Et puis, on terminera votre nuit rêvée, Fabrice Luchini, par une émission avec Sacha Guitry. C'est assez court, c'est pas un entretien de Sacha Guitry, c'est Sacha Guitry qui parle tout seul, comme ça. Et ensuite, on entend Nono, donc sa première pièce, écrite pour son père. Ouais. Et là, c'est 1911, j'ai l'impression. Oui, alors là, c'est une version pour la radio, qui date de 43, je crois, mais c'était diffusé un peu plus tard, et c'est avec lui-même, avec Geneviève Guitry, avec François Perrier, Noël Roquevert aussi. Génial, Noël Roquevert. Oui. Alors là, il a un petit rôle, mais voilà. Oui, mais enfin, là, c'est la grande famille des gentissiers, Noël Roquevert, grande famille d'acteurs immenses. C'est là où il est sauvé. Il n'a pas besoin d'être sauvé d'ailleurs. Mais Guitry est vraiment merveilleux parce que à la fois son apparent égocentrisme l'a jamais éloigné d'être confronté au plus grand, au gros puissant. C'est-à-dire quand même, il a fait des films magnifiques à oublier. Hein, j'ai été cocu 3 fois. Film admirable. Donc il a été confronté à un des plus grands, mais vraiment génie qui était Blier. Pour moi, j'ai une absolue passion pour Blier. Donc il y a des orfèvres, c'est extraordinaire. Après, il a été confronté à Rému. Il a été confronté à Michel Simon avec la fameuse phrase « Voulez-vous venir dans mon film La vie d'un honnête homme, etc. » Est-ce que vous voulez bien jouer ce rôle ? Alors évidemment, Simon répond, mais oui, maître. Vous voulez même faire les deux rôles ? Alors Simon répond, mais évidemment, maître. Eh bien, comme ça, vous serez doublement admirable, oui. Voilà. Et vous voyez, c'est un énorme ego qui n'a pas peur d'être en face de monuments, Michel Simon, Rému, Blié. C'est des énormes choses. Eh ben, il y allait. Donc, vous voyez, c'est... Et puis, il pouvait aussi découvrir Poiret. Poiret, il fait partie de cette famille. Oui, oui. Je suis fou de Poiret, moi. Mm-hmm. Pierre Larquet, je pensais tout à l'heure. Pierre Larquet, radio. C'est une voix extraordinaire. Bien sûr, très grand homme de radio aussi. Alors, vous, tout à l'heure, vous disiez, mais finalement, ces personnages, ils peuvent avoir un point commun, Darget, Jouvet, Privat, voilà. Et puis, alors, quel serait le point commun entre Philippe Muret, Céline, Flaubert et Guitry? Vous avez un petit peu abordé le problème tout à l'heure. En périphérie, en écume immédiate, je prends fort la voix parce qu'il doit être 4h du... Quelle heure il est là? Il est 3h50. Il est 3h50, donc on est en fin de piste. Donc là, je reprends un peu de vitalité. être le point, là, l'écume immédiate, ce serait, sont des réactionnaires. Philippe Muret est évidemment pas inscrit au Parti Socialiste d'Harlem Désir. J'imagine un dîner entre Harlem Désir, Cécile Duflot et Philippe Muret. Ils doivent penser que c'est Muret-Aide. Mais en gros, c'est pas possible. Non, c'est vrai, hein, sincèrement. J'ai posé la question une fois à une personnalité importante du Parti Socialiste. Il savait même pas qui était Philippe Muret. Il croyait que c'était Muret-Aide. Mais c'est parce que c'est vous qui avez inventé Philippe non, Muret. Non, non, il avait 5000 lecteurs, aussi. Demandez un peu à Solers ou à Bernard-Henri Lévy. Muret est très important. C'est pas parce qu'il n'avait que 5000 lecteurs. Bien c'est sûr. Comme France Culture, à la moins de, que RTL. Mais qui est-ce qui vous dit que c'est pas extraordinaire d'être sur France Culture? En tout cas, moi, je préfère être sur France Culture. Voyez. Donc, il n'avait que 5000 lecteurs. Sauf que quand on parlera du festif, des bobos, du Vélib et de l'analyse sociologique et psychanalytique est géniale. Le point commun, effectivement, sont tous des réactionnaires. Flaubert, dans sa composante anti-commune, dans le côté ce qui me plaît en politique, c'est l'émeute, je ne crois à rien. Fataliste comme un tueur, ce qu'on peut faire pour l'humanité ou le reste, ça n'a rien à voir, je m'en tape. Il n'arrête pas de répondre à George Sand, mais arrêtez de m'emmerder avec vos idées socialistes. Moi, j'en ai rien à foutre, j'ai l'entendement obtus pour les idées peu clair. Je retourne chez les Bédouins, moi, ils sont libres au moins. Bon, donc là, il y a un côté fond vieux réa qui croit pas aux élans au grand soir. Il y a évidemment ce point commun là. Si on affine un peu plus, c'est des anti-modernes, à mon avis, des anti-modernes. Alors, c'est un mot très galvaudé. Anti-moderne, c'est anti-doxa, anti-bêtise. Parce que la doxa, c'est la modernité, c'est souvent la doxa. C'est-à-dire, ça change très vite. Oui, puis surtout, c'est une rumeur. C'est comme dit Barthes, une doxa. C'est-à-dire, on raconte tous la même chose. On est tous contre la guerre. On est tous pour le mariage homo. On est tous pour que les homos aient des enfants. Enfin, c'est la doxa. C'est-à-dire, rien n'est vécu, rien n'est interprété. Tout est une espèce de vieille rumeur qui règne. C'est du bon côté. C'est nourri par les médias souvent. Alors évidemment, Muret, Flaubert, Céline. Si on approfondit encore, il y a des grands styliste. Il y a quand même, avant Flaubert, on pourra dire qu'après Flaubert, on n'aura jamais écrit comme avant. Je pense que Flaubert, dans son obsession de la phrase ternaire, dont Montesquieu était un exemple, les vices d'Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus, il était terrible dans la colère, elle le rendait cruel. Ça, c'est une obsession chez Flaubert, la phrase ternaire. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Ça me dit quelque chose. Voilà, Salammbô. Eh bien, là, il y a des stylistes. Céline est un styliste. On n'écrira plus comme après Céline. Céline est arrivée, a fait éclater, a fait suer la langue française, l'adorant et la déstructurant. Oui, mais alors, on écrit aussi comme Céline. Il y a de très mauvais écrivains qui écrivent comme Céline, enfin, qui croient écrire. Ah, bah, comme il Céline. En a fait des terribles et à la manière d'eux. Ça, c'est le très mauvais côté des disciples, hein, évidemment. Après Céline, on a eu ce qu'il y a de pire. Mais il y a quand même un point commun. Alors, Philippe Muret n'est pas dans la bande des stylistes, puisque c'est difficile à définir où est Muret. Muret, c'est étonnant, parce que c'est le festif, selon Muret, est un système totalitaire. C'est-à-dire que le festif est le passé, est l'histoire. La phrase qui le résume, puisqu'on n'a pas le temps, comment ça, on n'a pas le temps? Non, mais le temps, la phrase est merveilleuse, vous avez raison. C'est, Muret a dit, en parlant du système festif, ils font de nous des déambulants approbatifs. C'est absolument génial. Tous ces gens qui... Des déambulants approbatifs. Toute la société, ce sont des déambulants, des touristes, parce qu'évidemment, tourisme, ça va ensemble. Les villes qui ne sont pas habitables mais visitables, le bobo qui incarne une espèce d'adhésion avec le refus de l'histoire, le refus critique, le refus de la négativité, tout ce qui est l'absence de pensée de notre époque. Là, Muret l'a complètement photographié. Mais aller applaudir, apprécier déjà dans un premier temps, et puis applaudir Fabrice Luchini au Théâtre Antoine dans le spectacle sur Céline, c'est quand même festif. C'est l'adjectif que vous n'aimez l'adjectif pas. L'adjectif est abject. Hein. Parce que le festif derrière son mot sympa cache une dictature. Le mot sympa, alors là vous employez un mot, je sais, vous n'avez pas le droit. Ouais, mais moi j'ai pas dit que j'étais pas un bobo. Ah. Moi je ne suis qu'un bobo, un pur bobo. J'adore bouffer avec des tables en formica dans le 18e. J'adore aller me promener aux puces. Je suis un petit bobo assez minable. Bobo, c'est clair. Et alors, quand vous jouez, enfin, quand vous dites alors là, Philippe Céline, Muret. Céline, non, Philippe Muret, restons sur Philippe sur Muret. Philippe parce que Muret. Je me souviens d'une émission réplique sur notre bonne chaîne de France Culture, où vous étiez avec Alain Finkielkraut, par définition, qui reprochait au public d'avoir ri. Vous vous souvenez? Attendez. Muret, c'est pas. Le rire n'a rien à voir avec le ricanement. Il y a un malentendu quand on est au spectacle, parce que tous ces gens qui venaient écouter Muret sur La Touriste Blonde, qui est un poème dont je vais vous dire quelques vers, comme ça on définit un peu qui est Muret. Après, je vous parlerai de la réaction de Finkielkraut. Moi, j'adore qu'il rit, parce que Muret est un écrivain extrêmement drôle. Donc, il manquerait plus qu'il ne rit pas. C'est comme Céline, à un moment, dans Céline... La fille de Kelcrote n'était pas contente qu'ils aient ri. Oui, mais bon, il avait dû dire que tous ces gens venaient et n'écoutent... Bon. Je peux pas prendre toutes les, je peux pas prendre la responsabilité de chaque intervention. Alors Muret, il dit, par exemple, sur La Touriste Blonde, hein, La Touriste Blonde, rien n'est jamais plus beau qu'une touriste blonde qu'interviewe des télés nippones ou bavaroises juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate, aux façons très courtoises. Elle était bête et triste et crédule et confiante. Elle avait du monde qu'une vision rassurante. Elle se figurait que toutes les régions et tout ça, c'était un village, quoi. Vous voyez bien. Toute petite, elle disait avoir été violée par son oncle et son père, et par un autre encore. Mais elle a dû attendre ses 31 balais pour revoir brusquement ce souvenir éclore. Elle avait terminé son second CDD, mais elle envisageait d'autres solutions. Elle voulait travailler dans l'animation pour égayer ainsi nos fêtes de fin d'année. Elle avait pris contact avec plusieurs agences et des professionnels de la chaude ambiance. Elle était depuis peu amie d'un vrai artiste, musicien citoyen, jongleur équilibriste, grand organisateur de joyeuses sarabandes le mercredi midi et surtout le samedi pour la satisfaction des boutiques Godasland, créateur d'escarpins cubistes et nabi. Elle aussi s'entraînait à des théos rigolos en lançant dans les airs ses propres godillots, baskets bimatières, à semelles crantées. Les messages passent mieux quand on s'est bien marré. Et je termine. Au ministère social des instances drôlatiques, elle avait exercé à titre de stagiaire l'emploi de boîte vocale, précaire et temporaire. Elle en avait gardé un souvenir érotique. Enfin, ça dure pendant 20 minutes, comme ça. Et vous n'êtes pas phagocyté, Fabrice Lucchini, par tous ces auteurs que vous dites, que vous lisez? Parce que quand on a passé, vous parliez de 2500 représentations pour Céline, et puis voilà, vous avez passé des centaines de soirées théâtrales, de programmation, de lecture, de quand on a lu La Fontaine, Valérie... Vous voulez dire aliéné, vous voulez dire phagocyté, c'est aliéné. Phagocyté. Oui, mais donc aliéné. Une dépossession de son moi véritable en faveur d'une langue phagocyté, donnez-moi un autre adjectif. Soyez indulgent avec moi parce que c'est vrai que phagocyté, c'est-à-dire je suis comme un phagocyté, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est violent. Alors par exemple, quand on lit aliéné. Non. Trouvez un autre adjectif. Alors monsieur Garbi. J'ai essayé de le trouver. Quand on lit pendant des heures, on est possédé de soi-même. Non, mais si on lit Proust pendant 30 heures de suite ou à peu près, ben voilà, on est marqué par Proust. Sauf que vous ne lisez pas intérieurement, in petto comme ça, Proust ou si Céline. Si vous voulez qu'on n'en sort pas totalement indemne, c'est ça que vous voulez dire? Non. Ah bon, phagocyté un petit peu. Trouve-moi un autre adjectif. Ah oui, j'ai pas mon petit Robert sous le... Si, sous mais le... vous devez en avoir un quand même. Et je vais vous aider parce que j'aime bien, moi, trouver des équivalences. Aliéné, c'est trop violent. Ah bah oui, non, c'est pas bon. Ça. Phagocyté, dépossédé de soi en non faveur plus. De la structure écrite. Peut-être que je sais pas ce que veut dire phagocyté, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire phagocyté? Je me demande bien, oui, finalement. Alors, quel est le Fabrice Lucchini qui parle avec des amis? Ça doit lui arriver, quand même, comme ça. Vous voulez dire celui qui n'est pas au service. Alors, on va pas comparer, hein, parce qu'il y a Glenn Gould. Mais est-ce que Glenn Gould a été phagocyté par Bach? Moi, je pense oui. Je sais pas ce que ça veut dire phagocyté. ça n'a rien à voir avec fagot. Non, je pense pas parce que ça s'écrit pas pareil, donc déjà. Quelqu'un pourrait nous expliquer ce que veut dire phagocyté. Il y a une femme et un homme. Oui. On est en pleine France Culture. Oui. Si on n'est pas capable de nous envoyer dans la minute la définition de phagocyté. C'est un petit peu mangé, un petit peu aliéné, un petit peu absorbé. Entamé. Oui. Oh ben on est entamé, à mon avis. C'est pour ça que. La psychanalyse est utile parce que après faut revenir avec ses propres morceaux, parce que avec les intimes comme vous dites, j'intègre évidemment ma passion, Mais je ne parle pas comme Céline quand je suis en train de déjeuner avec ma chienne. Et vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas là en train de... Avec vos chats éventuellement, mais... Non, c'est moi c'est une chienne. J'ai une Shiba. Ah, il parle beaucoup des chiens et des chats hein, dans l'entretien avec Francine Bloch. C'était en 1959, donc Céline. C'est pour la Phonothèque nationale, c'est-à-dire que c'est pas du tout pour la radio. Donc il est en grande confiance, parce que bon, elle enregistre, mais enfin, ça sera pour être passé ou dans 50 ans ou 60 ans. C'était, en fait, on l'a entendu beaucoup, beaucoup plus tôt. C'était Route des Gardes, je crois que c'est sorti aussi. Oui, à Meudon. Dit, voilà, à Meudon. Vous êtes allé? Très souvent. Mais il parle des chiens, déjà. Il y a un perroquet aussi qui, oui, voilà, enfin bon. Il est encore là. C'est un autre, mais il y a encore un perroquet. Oui. J'ai fait une émission de télévision pour la 5 où on a été visiter Lucette, que j'ai eu la chance de connaître. Elle donc, vous a adoubé, Fabrice Lucchini? Oh oui. Oui, incontestablement. Enfin, en tout cas, elle l'a écrit dans un livre très joli qui s'appelle Céline Secret, où qu'elle a écrit et elle a parlé de votre humble serviteur en expliquant une chose qui est dure à dire parce que la vanité va en prendre un coup, mais que quand Céline l'appelait la nuit pour lui lire tout ce qu'il pondait, elle conseille dans le livre, donc je me permets de le dire, c'est très mal élevé, qu'il fallait venir m'écouter parce que on avait une idée exacte de ce qui se passait. Donc c'est très prétentieux, mais bon, hein, Jouvet l'avait bien dit, que les acteurs sont vaniteux. Puis on peut pas avoir toutes les qualités, Fabrice Lucchini. Donc de ce côté-là. Oui, avec mes amis. D'ailleurs, j'ai très peu d'amis, mais je ne suis pas une machine à texte. J'ai mon existence. Alors là, elle est hallucinante de normalité, de banalité. Hein. Oui, parce que ça peut être quand même. Effrayant, on peut, voilà, des proches pourraient se dire, oh là là, on est, quelle inculture par rapport à la sienne. Ah oui, bon, écoutez, oui, ça m'est arrivé de penser que ma passion était vécue comme agressive. Parce que nous sommes dans une époque où toute passion, je vais vous expliquer, un jour je fais une émission chez Anne-Sophie Lapix, non, c'était celle d'avant, je dis pas du mal, donc vous inquiétez pas. Je fais une émission sur la 5 à 19h15 pour parler de Muret ou je ne sais quoi. Et il y avait cette fille sympathique qui maintenant a quitté, qui s'appelle je ne sais plus comment, mais qui est très gentille. Mmh. Virginie Mourté va me dire ça au casque. Oui. Alexandra Soublet. Alexandra Soublet, bon, qui est une personnalité, c'est une vedette, très jolie, très vivante, avec une vitalité, assez fière de ne pas connaître beaucoup de choses, donc travaillant le fonds de commerce de l'absence de culture. Mais la fille est bien, elle est jolie, elle est très bien. Bon, et elle me parle, et moi je parle de Molière, je venais présenter Alceste à bicyclette, ce que Simone Signoret appelait l'abject travail d'après-vente. Mais ça, on est dans une époque où là, t'as pas à t'interroger, si tu fais pas d'après-vente, il n'y a pas de film qui se tourne. Donc, je viens parler d'Alceste avec une certaine passion, parce que une de mes obsessions parmi d'autres, c'est évidemment Alceste, le misanthrope, hein, Philinte, pourquoi Philinte est mieux qu'Alceste, pourquoi ça c'est absolument génial, etc. Donc je m'emballe en parlant de Molière, et évidemment le lendemain, un espèce de chroniqueur, un sous Nicolas Bedos, est venu pour me parler de moi comme un fou. Et c'est extraordinaire parce que il y avait rien de fou hein, dans mon discours, tout était articulé, mais tout ce qui est, on est dans une époque qui se croit drôle, qui se croit fantaisiste, mais qui est absolument l'incarnation du conformisme. Parce que quelqu'un qui avec passion parle de Molière, on le fout déjà, pas comme Antonin Artaud, hein, mais on l'accable déjà de la condition de dingue, parce que évidemment il est passionné. Donc c'était à la fois inconséquence que ce que pauvre garçon avait fait, il faut qu'il fasse sa vieille page tous les jours, mais ça m'avait impressionné sur l'époque. L'époque pense que quand t'es habité par un propos, t'es dingue. C'est très drôle, non? C'est très drôle, je trouve. Et en même temps, ce que les médias attendent de vous puis d'autres gens, c'est des gens passionnés. Absolument, donc. Mais parce que les médias, il y a une vertu, c'est que le public n'écoute pas du tout ce que vous dites. Je pense qu'ici, on écoute éventuellement ce qui se dit. Mais à la télévision, l'inconscient du téléspectateur n'écoute jamais le laïus. Ce qui est le bon client à la télévision, c'est l'homme qui entraîne une dynamique d'enthousiasme et quelques phrases rapides, très courtes, clés. Bon, moi, il y a une phrase qui a, sans le faire exprès, qui a très bien marché, c'est quand j'ai été face à Pujadas, qui m'a fait réagir sur une réaction une réaction authentique de Balasco sur la pauvre Roumaine, il y a quelques mois, qui a été virée par François Hollande et Emmanuel Valls. Et il m'a piégé, parce que c'est un malin et un pervers, comme tous les malins, et en plein journal télévisé, il me montre cette image de Josiane Balasco qui dit « J'ai honte d'appartenir à ce pays ». Et il me dit « On ne vous voit jamais réagir ». Je voyais le piège gigantesque dire du mal de Josiane, ce que je n'ai absolument pas fait, parce que je n'en pense pas. Je dis non, Josiane Balasco fait partie dans ses gènes, dans son disque dur, comme disent les jeunes, elle a une authentique indignation. Moi, ce n'est pas une pratique, mais disons que chez Balasco, il y a une authentique indignation, et je l'admire, et je l'aime, et j'aime cette femme. Quant à la position, j'ai continué, et j'ai dit, c'est comme pour la gauche. J'adorerais être de gauche, j'adorerais, mais ça exige tellement l'exemplarité, ça exige tellement le dépassement de soi en faveur du collectif, ça exige une telle qualité morale, eh ben j'ai renoncé. Bon, ça, j'avais préparé mon coup depuis longtemps. J'aime beaucoup cette... Alors c'est de moi, c'est bon, j'aime pas beaucoup, je suis pas fier, hein, j'ai jamais écrit mieux, j'ai jamais bien écrit une chose belle, mais j'étais assez content de photographier mes censeurs depuis 40 ans qui veulent me donner des leçons de morale. Tout mon milieu, vous savez, on est dans un milieu où on nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, nous on est généreux, toi t'es mesquin, et j'adore jouer sur... la mesquinerie, la petitesse, j'adore ça. Oui, mais vous jouez, en effet, vous jouez avec, c'est un échange. Pas non plus grandiose, hein, tu sais, sincèrement, hein, monsieur bon. Garbi. Vous dites, Fabrice Lucchini, vous m'avez dit en début de nuit, que tous ces, voilà, que Jouvet n'aimait pas Guitry. Oui, donc vous êtes autorisé pour vous rêver. Ah oui, oui, rêver non, parce que Jouvet avait un tel sens. Vous ne trahissez pas Jouvet en nous faisant entendre du Guitry non, et non, non. On a le droit d'aimer. Non, mais attends, on a le droit. Jouvet n'aimait pas Guitry parce que c'est comme Jouvet n'aimait pas Michel Simon. Voilà. Vous savez qu'ils ne se sont pas dit un mot, hein, dans J'ai dit bizarre. Drôle de drame. Oui, ils ne se sont pas dit un mot. Ils se détestaient. Parce que Jouvet est moins immense que Simon. Parce que Simon, c'est écrasant, c'est sans réflexion, c'est au-delà, c'est une nature puissante à un tel point que Jouvet, ce qui est magnifique chez Jouvet, c'est que tout est difficile pour Jouvet. C'est moins... Jouvet est évidemment, quand il dit le plus grand acteur de notre génération, c'est Rému parce que c'est le plus grand en sentiment. Chez Rému, le sentiment vient naturellement. Chez Jouvet, c'est un acteur sec, un acteur de pensée qui doit lutter contre son intelligence. C'est une douleur immense. C'est de là le parcours chrétien immense et sublime de Jouvet. C'est cette difficulté-là par rapport à la facilité d'un Rému. Et la facilité De Guitry. De Guitry. Oui, on peut dire quand même. Alors, Guitry, vous l'avez travaillé, joué. Mis en scène par Jacques Nerson en 1985, et j'avais comme actrice qui jouait ma fiancée, Yasmina Reza, avec qui j'avais après joué dans Art. Alors, racontez-nous votre rencontre post-mortem avec Guitry. Enfin, alors, ma rencontre de son théâtre, c'est que pourquoi j'aime Guitry ? Parce que j'aime l'acteur. C'est d'ailleurs de nuit. Hein, faut... Oui, j'aime l'acteur. Alors, j'aime l'acteur au téléphone, par exemple. C'est le plus grand acteur au téléphone qui existe. Aucun acteur ne sait jouer au téléphone comme lui. Quand il répond au téléphone, on est totalement persuadé qu'il parle à quelqu'un. Parce qu'il y a des longs monologues dans Faisons un rêve, par exemple. J'aime beaucoup ses répliques quand Pauline Carton, génie absolu, comme Noël Roquevert, lui dit, qui joue sa secrétaire, « Oh, je dois partir parce que ma grand-mère est malade, il est le seul capable de dire ça m'est égal. » Et ben là, ça, c'est sublime. Voilà. Et ben mine de rien, lui non plus, il n'est pas dans le politiquement correct. Il est capable de vous dire ça m'est égal. Ou alors quand son fils lui dit « Je m'en vais à Venise, papa, on m'a dit beaucoup de bien. » Et il répond « Oui, paraît que c'est pas mal. » Voilà. Ça, j'aime Guitry dans les années, dans les apartés, l'aisance, le génie. Enfin, il y a du génie de jeu. Alors, c'est pas un ascète, il n'a pas été travaillé Molière, et c'est pas, il n'est pas témoin théorique et spirituel comme Jouvet. Mais je trouve que l'acteur, quand même, dans son, dans cette arrogance, dans cette infatuation apparente, et je dirais même dans cette misogynie somptueuse qui est en réalité simplement la crainte de l'ennemi. Parce que quand les connasses te disent « il est misogyne », mais non, il était complètement fragile, comme il le dit lui-même. « Me battre avec vous, oh non », dit-il à une femme, « la lutte serait inégale ». Non, moi j'aime beaucoup Guitry comme acteur, je suis un fou de ses films. J'ai tous les films, je les regarde, et Guitry est quelqu'un, je dirais... Vous comprenez, vous pouvez aimer Saint-François de Sales et aller boire l'apéro tranquille. Jouvet, c'est vraiment la spiritualité chrétienne, Molière, vécu en se dépassant soi-même. Guitry, il est capable de trouver des techniques pour jouer le misanthrope avec l'accent auvergnat. Il a cru trouver un truc. Ça, pour Jouvet, c'est le sacrilège. On trouve pas des trucs pour jouer Molière. Mais il n'empêche que je prends Guitry avec plaisir. Oui, je prends Guitry avec plaisir, vraiment. Et vous pensez que Louis Jouvet est allé assister à un spectacle de Guitry ? Je pense pas. C'était deux mondes. Oui, parce que lui, c'est Anne. Déjà, Anouilh, pour lui, ça sentait les chaussettes très sales. Hein. Faut quand même savoir que Jouvet, à part Giraudoux, à part Molière, à part Jules Romain, et évidemment Molière, il était... et Sartre à la fin, puisqu'il a quand même fait sa dernière mise en scène dans le théâtre où je joue Céline, Le diable et le bon Dieu, la dernière mise en scène de Jouvet. Jouvet ne pouvait pas aimer ce théâtre-là. Il attendait du comédien une délivrance de l'auteur. Il attendait que l'acteur délivre l'auteur, parce que l'auteur a mis sur le papier des répliques, et que quand tout d'un coup l'acteur s'en empare, il délivre comme un espèce de truc de chamanisme. Donc là, évidemment, le côté léger de Guitry, le côté limité de Guitry, parce que Guitry, à un moment... Limiter l'auteur ou le comédien ? Le côté limité, je dirais, de la personnalité. C'est quand même une personnalité... C'est un personnage. Tu vois ? C'est un personnage. Jouvet n'est pas un personnage. Jouvet, il s'est attelé de manière mystique et douloureuse au problème du comédien. Guitry s'est attelé au problème de Guitry. Mais je dis pas ça méchamment. Et de Mesdames Guitry. Mais comme il était sublime, et que c'était un grand auteur, plus grand, moins grand qu'on pourrait dire, mais beaucoup plus grand qu'on ne le laisse suggérer en le prenant de haut. Non, c'est un vrai, vrai auteur. C'est pas Molière, mais c'est un grand auteur. Un grand auteur. Bon, il était fécond, il était... Mais quand vous voyez qu'un homme a autant travaillé, bon alors au milieu de tout ça, évidemment, Guitry, tu ne peux pas partir sur une île en lisant, en espérant trouver la révélation du mystère de la vie avec l'œuvre de Guitry. Tu pars avec l'œuvre de Guitry pour comprendre des pensées de moraliste, sans être chamfort, mais une espèce d'acidité. J'admire beaucoup Guitry, il faut pas du tout croire, mais ça n'est pas métaphysique. Tandis que chez Jouvet, il y a le flirt avec la métaphysique mystique, je dirais chrétienne. En tout cas, grâce à vous, Fabrice Ouchini, on va entendre donc leur début. C'est une émission où Sacha Guitry raconte ses débuts, ce qui est un petit peu dans le titre. Et donc, on entend le premier acte de Nono, qui était écrit... Je crois que c'est sa première pièce. Voilà, écrite pour son père. C'est-à-dire que c'est évidemment Lucien Guitry qui avait... Il a écrit l'année d'après Le Veilleur de Nuit et La Prise de Bergobzum, je crois. Vous avez préfacé d'ailleurs un livre à la rencontre de Sacha Guitry, c'était chez Oxus, il y a quelques... Ah oui, dis donc, j'ai fait 3 préfaces dans ma vie. Oui. Une que je viens de faire, qui sort en janvier, Le Comédien désincarné. Chez Flammarion. Chez Flammarion. J'en ai fait une de mon grand ami, de Jouvet, de mon camarade, de merveilleux camarade, et de mon homme, de l'homme qui a quand même illuminé mon existence pendant quelques mois, Laurent Terzieff, avec qui j'ai eu le privilège de jouer pendant un an, une pièce de Brian Friel. Et il n'avait... Vous voyez, ça... Il avait... Et on m'avait demandé de faire une préface pour Terzieff, donc j'ai fait une préface pour Guitry, pour Terzieff et pour Jouvet. Alors dans 50 ans, quand un gamin ou une gamine fera une préface sur un livre sur Fabrice Ouchini, qu'est-ce qu'il faudrait écrire ? Ben, je n'ai aucune raison d'avoir des préfaces, parce que je n'écrirai jamais de livres. Ils ont qu'à... Je n'ai rien à... Alors là, ce n'est pas de la fausse... La phrase de Claude Berry, je n'ai pas été un bon père parce que j'ai été un trop bon fils. Oui. Moi, j'ai été un bon fils. Et ma mère est morte il y a 5 ans. C'était la femme de ma vie. Et tous les ans, je commande aux journaux un petit moment de souvenir pour elle. Et le mois dernier, j'ai mis dans tous les journaux, de droite, de gauche et du centre, la petite phrase « Tu nous manques pour toujours, ta nature et ton tempérament, ta supériorité, etc. etc. » à la famille Lucchini. Eh bien, je peux dire que j'ai été un bon fils. Par contre, j'ai une fille magnifique qui s'appelle Emma, qui fait du cinéma admirablement bien. Et par contre, je n'ai pas été un bon père jusqu'à 18 ans. Après, j'ai été un bon collègue, mais je n'ai pas été un bon père. Mais on s'entend bien maintenant, mais ça n'a pas été facile pour elle, je pense. Alors, on n'a pas évoqué, ou très très peu, la conférence sur Flaubert, donc. Est-ce que je me trompe, ou vous avez joué du... J'ai joué Le Cœur Simple. Je viens de finir un film d'Anne Fontaine qui va sortir dans quelques mois, puisque là, on est en janvier. Il va sortir peut-être en mai ou en septembre. Et c'est une Madame Bovary, une, c'est quoi ? Gemma Bovary, adaptation d'une bande dessinée anglaise assez drôle. L'histoire d'un bobo qui était éditeur, qui reprend la boulangerie paternelle, le rôle que je joue, et qui va voir devant lui une bobo anglaise qui s'appelle Gemma Bovary. Et qui va vivre totalement le parcours de Madame Bovary. Alors pour Flaubert, qu'est-ce qu'on peut dire ? Faut lire sa correspondance, faut lire témoignage sur l'art d'écrire comme aucune merveilleuse correspondance. Faut lire les voyages en Orient et en Bretagne. Et puis faut lire la fin de Bouvard et Pécuchet, quand après avoir tout essayé et que tout a été raté, Pécuchet dit à Bouvard « Qu'est-ce que tu en penses si on recommençait notre premier métier ?» C'est-à-dire de copier, mais on copiera tout, tout. Et on ne sait pas la fin, puisqu'il est mort avant de la finir, mais le dernier que nous avons en main, c'est « Et ils s'y mirent ». C'est magnifique. Ou, dans l'éducation sentimentale, « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots ». Ou alors, dans l'éducation sentimentale, la révolution de 1848, c'est quand tout d'un coup, tous les prolos prennent dans les Tuileries le siège du roi, ils le jettent dehors, et il dit « Alors une joie frénétique éclata, comme si un avenir de bonheur illimité avait paru. » C'est merveilleux. Avec cette scène merveilleuse où les personnages de l'éducation sentimentale parlent de la révolution. Puis à un moment, il y en a un qui donne comme l'exemple. Avec les boulangers. Puis il y a un boulanger qui s'était endormi, qui croit qu'on dit du mal. Il se lève, il donne un coup de boule. Bon, cette vision très négative c'est vrai que c'est des visions où rien ne il n'y aura pas de projet collectif, quoi. Ça, c'est des vrais. C'est ça, les grands pessimistes, hein. Chez Flaubert, il n'y a pas de projection à la Georges Sand, fleur bleue. Ah, oh, on va tous se donner la main et tout ça. Et là, les événements nous l'ont montré qu'ils étaient peut-être pas si cons. Mais c'est Sacha Guitry, quand l'histoire est en train de se faire et qu'on montre des moments de grande liesse, c'est très artificiel dans les films. Oui, dans les films, oui, absolument. Alors, Fabrice Lucchini, eh bien, on va écouter la deuxième partie de votre nuit rêvée, puis on se retrouvera aux alentours de 6h25 pour faire un bilan très rapide, bien entendu, puisqu'on n'aura plus que 2 ou 3 minutes. Tout de suite, Agora, donc un entretien avec Philippe Muret accordé à François Angelier à propos de Après l'histoire. 4h50, un avoué nu, Céline, ça avait été rassemblé par Mathieu Garrigou-Lagrange, de plusieurs entretiens, et celui-ci sera de Francine Bloch en 1959, et Céline revient sur son retour en France. Et ce qui est amusant, c'est que Francine Bloch raconte à la fin de l'entretien qu'elle avait signé dans Combat un appel à l'interdiction du retour en France de Céline. Elle le dit ? Oui, oui. Elle lui a dit ? Alors, elle ne dit pas qu'elle lui a dit. Je pense pas qu'elle lui a dit. Mais en tout cas, il a accepté tout de suite son entretien. Et donc, elle raconte ça à la fin de... Mais il aurait dû être condamné à mort. Hein. Mais l'a-t-il été ? Il s'en est sorti par un énorme coup de chance. Mm-hmm. C'est le génie de Tixé-Vignancourt, enfin le génie. C'est compliqué parce que... Ouais. Enfin, Roger Vaillant voulait le tuer, quoi, en gros. Il avait préparé la carabine. Alors, cela, après Céline, ça sera donc le centenaire de Madame Bovary par Henri Guillemin, et puis donc, leur début, Sacha Guitry, et donc le premier acte de Nono. A tout à l'heure, Fabrice Lucchini. A tout à l'heure, Monsieur Garbi.